tout honteux. J'ai tout cramé, faut laisser tomber. Toujours la brigante, faut pas me chercher. Mon gars t'a coulé. Tu veux tout me donner,